Dans la chambre du boulanger, sans bruit, la boulangère fait ses paquets. Elle se farde, elle met un fichu, puis elle écoute. Elle sort sur la pointe des pieds en portant ses souliers à la main. Elle descend l'escalier et la voici dans le fournil. Le boulanger dort de tout son cœur, allongé dans le vieux pétrin. Elle passe à côté de lui comme une ombre. Sur le comptoir de la boutique, elle dépose doucement le grand trousseau de clés. Et maintenant, la voilà dans la rue qui s'enfuit sous le petit jour. 2 heures plus tard, l'Angélus sonne. Devant le cercle, Casimir ouvre ses volets. Tout à coup, il flaire l'air, puis il regarde vers le ciel. De la cheminée de la boulangerie, une épaisse fumée noire sort en énorme spirale. Nom de Dieu ! Il a foutu le feu au four ! Il part en courant vers la boulangerie. La porte est ouverte. Il entre à travers une épaisse fumée qu'il fait tousser. Boulanger ! Boulanger ! Boulanger ! Boulanger ! Oh, boulanger ! Il regarde consterné les pains de charbon que le boulanger retire du four. La fournée est perdue, un dimanche encore. Tu t'es endormi? C'est pas que je me sois endormi, je me suis pas réveillé. Oh, ce sera vite réparé, à 2 heures de retard, ma seconde fournée est déjà commencée. Tu comprends, c'est ma femme qui me réveille. Seulement la fatigue de l'installation, eh bien, elle est fatiguée, parce qu'elle doit dormir comme un enfant. Hein. Oh là là là là. Ah, qu'est-ce que tu veux? Oh, je vais lui annoncer cette catastrophe, tout doucement, pour pas lui faire de la peine. Hein? Je vais réveiller ma bichette avec une tasse de café. Dans la chambre, il fait nuit parce que les volets sont fermés. Le boulanger entre souriant. Il va poser la soucoupe et la tasse sur la table de nuit. Bichette, je te porte une tasse de café. C'est bien chaud le café, c'est. Hein? T'as oublié de me réveiller, ma chérie. Ça fait, ne te fais pas d'envahissant, je me suis réveillé tout seul. Hein? Tu sais, on fera mieux d'acheter un réveil matin. Parce que comme ça te permettra de te lever un peu plus tard. Voilà. Dormir un peu plus. Allez, bois ton café, ma chérie, qui va refroidir. Hein? Il est bien chaud. Attends, je vais ouvrir les volets. Hein? Il ouvre la fenêtre et le jour entre. Il va vers le lit. Allez, le toit par seul. Il soulève les couvertures. Dans le lit, il n'y a qu'un édredon roulé. Le boulanger recule effaré. C'est une blague, hein? Aurélie! Aurélie! Aurélie! Qu'est-ce que c'est? Elle s'est cachée. Elle a fait une blague. Dans la campagne déserte, le cheval du marquis emporte les amoureux vers l'aurore.